P-H-I-L, P-H-I-L, P-H-I-L, P-H-I-L, P-H-I-L, P-H-I-L. Ouvre les oreilles, voici mes merveilles. Pousse cette porte et guette ce que je t'apporte. Voici l'histoire où l'air de deux mammifères en l'amour ont l'espoir et ne peuvent rien y faire. Ils veulent tout en faire, être heureux sans s'en faire. Ces deux êtres se repèrent car il s'avère que leurs sensations les poussent à ne pas se poser de questions. Ils sont faits pour se plaire de toute façon, ni tromperie ni mystère, mais des folies et des versets de poésie sincère. Quelques larmes sont versées sans controverser, c'est ensemble qu'ils avancent, ouais. Désormais chaque instant leur paraît vraiment sensé. Leur relation est placée sous le signe de la gaieté. Jamais tous les deux ils ne se sont embêtés, non. Cet amour infini les a embellis. De ce couple je fais partie et je t'entends qui me dit: give me kiss-kisses. Chaque jour tu veux des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Je te réponds avec des kiss-kisses. Kiss-kisses. Chaque jour tu veux des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Je te réponds avec des kiss-kisses. Ouvre les yeux, laisse-toi aller. Nous sommes au cinéma, cet épisode en DV gravé dans ma mémoire, silence sur nos déboires. Je préfère te conseiller, t'épauler pour tes devoirs. Te voir me donne envie d'y croire, et je suis sûr que pour toi, te voir doit t'émouvoir. Non, ne sors pas de mouchoir, empêche notre histoire de choix. C'est mon choix, ne le déçois pas. Le voile est désormais enlevé, toi plus moi c'est L-O-V-E. J'adore voir ton visage et pur démon levé. Je souhaite t'offrir le bon, en aucun cas le mauvais. Je vis au fil des années, continuer à le prouver. On s'est trouvé, ça ne pouvait pas me tomber. Je t'ai trouvé tellement vrai, ça m'a étonné. Tu m'as redonné l'envie d'aimer pour l'éternité. Et c'est pour ça que je viens de chanter. Give me kiss-kisses. Chaque jour tu veux des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Je te réponds avec des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Chaque jour tu veux des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Je te réponds avec des kiss-kiss-kiss-kiss. When I'm alone, I want that you become. I give you kisses if you enter in my home. With your body, baby, you make me crazy. You are so smart, you are my remedy. Ouvre-moi tes sens, bébé. Donne-moi tout, je recevrai. À mon tour te donnerai tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Ouvre-moi tes sens, bébé. Donne-moi tout, je recevrai. À mon tour te donnerai tout ce que j'ai. Kiss-kisses. Chaque jour tu veux des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Je te réponds avec des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Chaque jour tu veux des kiss-kisses. Give me kiss-kisses. Je te réponds. Give.